Allô? Bonjour? Bonjour, je suis bien au gîte rural de la source. Oui, c'est bien ça, madame. C'est pour une réservation? Oui, mais avant, j'ai quelques questions. Ce gîte est à Saint-Jean-du-Gard même ou à proximité? Il n'est pas dans le centre. Il est à 1,5 km du village. Bon, ça va. Bien, maintenant, l'annonce sur Internet indique qu'il y a 2 chambres. Mais est-ce que ces chambres sont au même étage? Nous venons avec des enfants. Oui, elles sont au premier, avec vue sur le jardin et sur un très beau paysage. Au rez-de-chaussée, vous avez la cuisine, le séjour et des toilettes. Très bien. Alors, est-ce que le gîte est libre pour le week-end du 25 septembre? Un instant, s'il vous plaît. Je dois consulter les réservations. Alors, le 25 septembre... Oui, pour cette date, ça marche. Et cette année, nous faisons une réduction de 5% à partir de la mi-septembre. Il faut payer la taxe de séjour, vous le savez. Oui, je sais. Bon, le 25, donc, c'est OK. Je vais prendre votre nom. Mais vous devez confirmer la réservation par écrit et payer d'avance 10% du total. Entendu. Je fais le virement demain. Ah, une dernière chose. C'est compliqué d'arriver au gîte? Vous allez venir de Montpellier ou de Nîmes? De Montpellier. À Montpellier, il faut prendre la route de Ganges et 2 km après Ganges, sur la droite, vous avez la route qui va à Saint-Jean. Après, notre gîte est indiqué.